Ils sont là tout autour de nous. On les devine parfois. Ils nous attaquent, on les chasse, on les mange, ils nous dévorent. On les voit peu, mais on les entend. Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, le dingo. Voilà un animal qui a bien mauvaise réputation. Ni vraiment chien, ni complètement loup, son pédigré ne serait pas clair. Croqueur de moutons, on lui doit la construction du Dingo Fence, la plus grande clôture au monde, soit plus de 5200 km de barbelés posés à la fin du 19e siècle en Australie pour empêcher les dingos d'attaquer les troupeaux de moutons. Son nom lui-même sème le trouble et le placerait du côté des bêtes folles. Le dingo est-il dingue? Rend-il dingue? Rien de tout cela. L'origine du nom dingo est à chercher du côté des langues aborigènes et désigne tout simplement cette espèce. Aucun rapport avec la dingue, la maladie et la folie. Quant à son lignage, c'est un canidé de la famille des mammifères carnassiers, tels que le loup, le chien, le chacal ou le coyote. Là encore, c'est une bête comme une autre. Le voilà ici, à Fraser Island, grande île de sable au nord-est de l'Australie, à la nature très exubérante et tropicale. Mais les dingos sont aussi présents en Australie, surtout au nord et en Asie du Sud-Est. On s'accorde à dire qu'ils descendent du chien revenu à l'état sauvage, tout en possédant de nombreux points en commun avec le loup dont ils partagent le goût de la meute. Les dingos vivent en effet en groupe et possèdent un système social similaire à celui du loup, avec un couple alpha, dominant, reproducteur, et les autres membres de la meute qui aident à l'élevage des jeunes. Le répertoire vocal du dingo ressemble à celui du loup et des autres canidés. Si ce n'est que comme l'animal est plus petit que le loup, environ 60 cm au garrot pour 80 chez le loup, sa production sonore est un peu plus aiguë. Il grogne avant d'attaquer un congénère qui lui déplairait et pousse des petits couinements de soumission face à un individu plus fort que lui. On l'entend de loin, le dingo, car on retrouve chez lui le principe du chorus, ces hurlements qui permettent de défendre un territoire et qui servent de contact entre les membres de la meute. Un système de communication à longue distance, ingénieux, qui pourtant lui a valu encore des critiques. En 1868, Jules Verne écrit que les enfants du capitaine Grant sont réveillés par les hurlements lamentables des dingos qui sont les chacals de l'Australie. S'ils tendaient mieux l'oreille, nos voyageurs auraient pu se rendre compte que ces cris sont signés. Chaque individu a des caractéristiques acoustiques qui lui sont propres, permettant aussi de différencier les mâles des femelles. Un système de communication sonore qui est bien plus élaboré et admirable qu'il n'y paraît. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay avec la complicité d'Isabelle Charrier de l'Université Paris-Saclay et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.